Merci. Merci pour votre organisation et votre accueil. Et je, sincèrement, je ne crois pas être à la hauteur de ceux qui m'ont précédé, mais vous me le direz vous-même. Donc, excusez-moi, il faut que je prenne des notes parce que c'est une sorte d'expérience que je fais. C'est pas vraiment une. Comme chacun sait, on ne parle pas ici par rapport à ce qu'on est, mais par rapport à. Enfin, pour moi, par rapport à ce qu'on a à transmettre, c'est-à-dire que je me considère comme ayant reçu des savoirs et être inscrit dans une chaîne de transmission. Pourquoi je dis ça? C'est pas une formule de rhétorique, c'est parce que j'ai à parler d'architecture et l'architecture, ça consiste à dessiner et concevoir des projets de bâtiments et à les faire réaliser. Et ça consiste aussi à rendre possible un rapport de soi au monde qui consiste à transmettre certaines choses dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Un rapport de soi au monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde, c'est la nature et la société humaine. Bon, l'architecture, c'est quelque chose qui se voit, mais qui n'est pas réductible à son image visuelle. C'est aussi une parole et un langage, ce que j'appelle un symbole, et que je vais tenter de d'aborder aujourd'hui. L'architecture conçoit, c'est des généralités pour commencer, après on verra des cas particuliers. Elle conçoit des bâtiments dont les formes correspondent à des fonctions, fonctions qui sont de deux sortes. Les usages qu'elles abritent, l'abri fondamental lui-même à l'origine, et la structure. Hein. Donc deux sortes de fonctions, usage et structure du bâtiment. Les fonctions, c'est ce qu'on peut appeler de manière plus générale la vie, tout simplement, les besoins humains, les besoins fondamentaux. Et maintenant, il y a les formes qui sont valorisées par la lumière du soleil et qui prennent sens donc dans leur esthétique. Et qu'est-ce que c'est l'esthétique? C'est la sensation du beau, hein, du beau que ça procure. Depuis l'Antiquité, l'architecture, la théorie de l'architecture a consisté dans trois concepts. L'utilité, la solidité et la beauté. Donc, les deux sortes de fonctions, utilité et solidité. Solidité, c'est-à-dire structure. Et la forme. Hein, en latin, la forma, ça veut aussi dire la beauté. À partir du 19e siècle, donc, 19e siècle, révolution industrielle, bien évidemment, l'architecture s'est centrée sur le concept unitaire de fonction, qui rassemble ces deux, les deux sortes de fonctions. Son expression théorique la plus connue, la plus simple et la plus efficace conceptuellement pour décrire ce rapport de la forme à la fonction, elle est devenue, je cite, « la forme suit la fonction », qui a été donnée, cette formule, par l'architecte américain Louis Sullivan. Louis Sullivan, dont l'œuvre majeure avait consisté dans l'invention architecturale du Grand. Donc il faut rappeler que le rapport forme-fonction, je dis ça pour le situer, c'est pas encore une fois qu'une histoire d'architecture. Le rapport forme-fonction avait traversé tout le 19e siècle, des paléontologues aux poètes, à Baudelaire notamment. Toutes les disciplines, voilà. Donc il est significatif que ce soit un architecte qui l'ait formulé finalement. Mais l'inventeur technique de gratte-ciel, il faut quand même dire un mot pour situer un petit peu les choses. C'est un homme de la génération qui précède Sullivan, qui avait employé Sullivan et d'autres grands architectes dans son agence. L'architecte qui s'appelait William Jenney, qui a acquis son savoir d'ingénieur à l'école centrale à Paris, qu'il a mis en pratique comme beaucoup d'ingénieurs civils et militaires à la faveur de la guerre de sécession dans les années 1860, puis qu'il a appliqué et développé dans le boom économique qui a suivi aux États-Unis. Cette guerre, notamment à Chicago. Hein, Chicago, c'est la fameuse ville champignon qui a une croissance extraordinaire. C'est pas seulement une croissance bâtie, c'est une croissance culturelle tout à fait exceptionnelle. Bon, à l'époque, ça s'appelait le grand immeuble de bureau, ce type de bâtiment. Pas encore le gratte-ciel. Jenney a procédé progressivement dans la structure de bâtiments depuis l'emploi de la fonte jusqu'à l'acier, et l'acier a été employé couramment, on va dire, à partir de s'il te plaît, tu peux montrer la première image. On peut la faire circuler si on veut, hein, mais c'est des types de bâtiments. Le bâtiment qui est là à la droite, c'est un bâtiment de Jenny. On ne voit pas grand-chose. C'est un grand bâtiment pour l'époque, 1889. Oui, bah vous pouvez si vous voulez là. 1889. Si on ne voit pas beaucoup, c'est pas très grave, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir, à vrai dire. Oui, bien sûr. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à voir, c'est-à-dire c'est une prouesse technique pour l'époque. Il y en avait d'autres à côté, vous voyez, il y en a d'autres. Mais on peut dire que ça n'a pas beaucoup de forme encore. En revanche, en 1890, Sullivan, qui est le grand nom de l'architecture américaine, on l'appelle parfois le père de l'architecture américaine, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le patron de Frank Lloyd Wright, le grand architecte américain qui est encore plus connu que lui. En 1890, Sullivan, c'est pas. Alors, on peut montrer le deuxième là. Ce qu'il n'invente pas, c'est pas la technique ni la grande hauteur, à vrai dire, mais c'est la valorisation de la technique et de la grande hauteur du gratte-ciel par l'architecture, en tenant compte d'abord de. Alors, attendez. On va faire passer les deux en même temps, c'est-à-dire celle-ci. Mettez ensemble les deux, parce que c'est la construction du bâtiment et le bâtiment lui-même une fois terminé. Donc il faut un petit peu les regarder ensemble pour comprendre l'intérêt de la première. L'intérêt de la première, c'est qu'on voit une construction. On peut dire que c'est pas intéressant, mais justement, on voit bien la progression de l'image architecturale sur la structure du bâtiment. Et effectivement, c'est ce que invente Sullivan. Et c'est ce qu'il théorise très précisément. C'est à partir de là que vient sa formule. La forme suit la fonction. On peut aussi faire circuler cette autre image qui vient après, mais vous allez voir que ce sont des bâtiments qui se ressemblent. Ceux qui ne voient pas, il faut qu'ils demandent après, faut qu'ils réclament, parce que c'est quand même important d'avoir quelques images de ces choses-là dans l'œil pour savoir de quoi on parle. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça marche, ça? Il faut faire un petit commentaire. Mais vraiment, je vous invite à essayer de mettre en parallèle ce que vous voyez et ce que je dis, parce que d'ailleurs, vous pouvez voir des contradictions par rapport à ça. C'est que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de raison de faire arbitrairement une fenêtre de bureau différente de la fenêtre du bureau d'au-dessus ou d'en dessous, si c'est le même bureau. Voilà. La première que je vous ai montrée tout à l'heure, le bâtiment était beaucoup plus incertain dans ses références, dans sa forme, dans sa formalisation, dans sa composition. Donc, Sullivan, il décide aussi qu'il y a des groupes de fonctions. Il y a les bureaux qui sont dans la partie courante du bâtiment, on va dire du troisième jusqu'en haut, quoi. Chaussée, le rez-de-chaussée, c'est pas pareil, il y a des commerces, il y a un accueil. Et puis, au dernier étage, il dit, on va mettre des fonctions techniques, et puis c'est ce qui va servir d'attique au bâtiment. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il donne au gratte-ciel une composition qui est celle de la colonne. Par ailleurs, il faut le dire aussi, il théorise. Après, en conclusion, on y reviendra, il théorise l'architecture à partir d'idées qui sont la recherche d'une définition de l'identité américaine. C'est-à-dire que l'architecture doit définir l'identité américaine. Ça peut paraître... c'est très important. Parce que il faut dire que la première pratique culturelle qui a défini les États-Unis, poétiquement, on pourrait dire, c'est la littérature, à partir de 1850. L'architecture vient en second, et Sullivan en a tout à fait conscient. Il ne prétend pas être le premier à donner une identité. On va dire que la littérature, la parole, derrière tout ça, il y a une tradition biblique. Pour vous donner un exemple, Walt Whitman, si vous avez entendu parler, des grands poètes comme ça, ils ont vraiment construit... c'est un exemple, on pourrait en prendre d'autres. Mais ce qui est intéressant dans Whitman, c'est qu'il s'inscrit dans une chaîne. Là, je fais une petite parenthèse sur la littérature. Et dans cette chaîne-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Abraham Lincoln. Fameux discours d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Que Whitman, après, va célébrer, etc. Et tout ça, ça s'inscrit. Les thématiques démocratiques qui sont présentes dans ces textes-là ça s'inscrit, c'est un héritage de la Bible. C'est un héritage de la, et plus exactement, de la traduction de la Bible en langue anglaise. Donc, cette traduction, elle vient de la fin du Moyen-Âge. Hein, c'est la première langue populaire dans laquelle a été traduite la Bible. Et qui a servi, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a eu dans cette traduction de la Bible ? Le préambule disait, voilà un instrument pour le gouvernement du peuple par lui-même. Donc ils ont pris ça, alors ça date de 1300 et quelques, mais ils ont pris ça au 19e siècle. Donc ça c'est important pour cadrer un peu le rapport déjà entre architecture, vous voyez, et que, donc ce que j'ai pas dit c'est que Sullivan reprend à son compte. Il reprend à son compte. Et il s'inscrit dans cette tradition de la parole. Donc, je reprends l'identité, enfin disons les idées fondamentales de l'architecte Sullivan, recherche d'une définition de l'identité américaine indépendante de l'histoire des styles. Aussi, hein. C'est-à-dire que lui, il vituperait sans arrêt l'académisme, la reprise des ce qu'on voit, si vous voulez, pour vous donner sur les façades haussmanniennes. Hein. Deuxièmement, la démocratie, je l'ai dit. Et enfin, la nature comme modèle. Hein. Alors, la nature comme modèle, je ne vais pas trop en parler. On peut le prendre de différentes manières, d'ailleurs, mais un des aspects, c'est le travail d'ornement de Sullivan sur les façades. Ça, je ne vais pas en parler parce que ce serait trop compliqué. Mais si vous regardez de près les images qui circulent, là, vous verrez peut-être qu'il y a des ornements qui sont intéressants, qui sont plus, enfin, intéressants. Si on les rapporte à l'ensemble, ils sont intéressants quand on les voit dans le détail. Ce sont vraiment des merveilles. Donc, et ils donnent au gratte-ciel la composition de la colonne. Non sans, évidemment, paradoxe par rapport au fait qu'il ne veut pas s'appuyer sur le style académique. Ça, ce paradoxe-là, il faudrait l'examiner dans un autre chapitre, on va dire, de ce que. Mais donc, comment elle se compose cette colonne, comment elle se justifie? On a un fût. Hein, vous voyez ce que c'est que le fût d'une colonne, qui est figuré par les verticales. Je ne sais pas si vous voyez encore cette image. Vous l'avez quelque part. Les verticales des étages courants. Ça veut dire que les bureaux sont tous les mêmes. Vous avez la base qui est le rez-de-chaussée, bon, j'ai déjà dit tout ça, et le chapiteau qui représente un attique particulièrement décoré. Bon, ce faisant, qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle que l'architecture est un art. Non seulement ça résout une condition matérielle, mais ça transcrit cette résolution dans des formes qui semblent celles d'une recréation du monde. Hein. La colonne, si c'est hérité de l'Antiquité, c'est parce que c'est un signe, effectivement, qu'on trouve, par exemple, dans certaines représentations religieuses. Et donc, cette recréation du monde, c'est pas du tout quelqu'un... Sullivan, c'est un vrai moderne. C'est quelqu'un qui est athée. Donc, il y a toute une problématique aussi dans ce moment-là, c'est comment on passe à une société sécularisée. Donc on réemploie, on continue à employer des anciennes formes pour que perdure, en somme, ce qui est dans le récit originel des religions, qui est la constitution d'un monde humain. Je vais y revenir un petit peu. Bon, jusqu'ici, en fait, on est dans l'esthétique. Ça voulait dire quoi ? Oui, merci. Non, je croyais que tu avais fait un signe. Mais, donc, jusqu'ici, on est dans l'esthétique. Mais il y a un impératif qui accompagne cette définition de la forme, qui est, en particulier dans le monde de la société industrielle, qui est celui d'une éthique, vous voyez, qui doit s'imposer. Vous m'entendez ? Qui doit s'imposer dans le contexte du capitalisme urbain débridé. Le capitalisme a tout craint. Et donc, il réclame la responsabilité sociale de l'architecte à travers son œuvre. Bon, Sullivan, quand il fait ses gratte-ciels et quand il les théorise, il met le type du gratte-ciel au même rang on va dire, de dignité historique, je cite, que le temple grec, la cathédrale et la forteresse médiévale, qui sont des repères d'époque où l'architecture était, selon lui, dit-il, un art vivant, c'est-à-dire où la forme était expression de fonctions sociales. Donc, vous voyez la correspondance au travers de l'histoire de l'architecture, superbe, entre forme et fonction. Le souffle intérieur qui gonfle, c'est formidable. Donc, cette correspondance entre forme et fonction qui est ressentie comme une éthique, c'est-à-dire le sentiment d'un bien commun et auquel on appartient individuellement. C'est comme ça que je définirais l'esthétique. Pardon, l'éthique. Donc, et elle se traduit en architecture, justement, par la colonne. Hein? Parce que c'est effectivement un signe austère, d'ailleurs. C'est pas... C'est-à-dire, c'est... déjà, l'Antiquité, c'est pas très... On est en toge, comme ça. On est pas en bout de jean. Et la reprise de ce signe-là, c'est vraiment un archétype de la reprise d'un signe de l'autorité morale qui fondait la cité dans l'Antiquité. Alors, il faudrait que vous regardiez sur les images, je ne sais pas où elles sont, les bâtiments, oui, les deux derniers, là. En fait, ce qui est... Oui, on peut prendre l'avant-dernier, peut-être. Le premier, au milieu, là. Voilà. Si vous pouvez juste le montrer à tout le monde. Bon. Vous voyez, l'arête d'angle du bâtiment, elle est située à la verticale du croisement orthogonal de deux rues, qui sont deux avenues de la ville américaine. Hein, c'est le tracé de base, c'est un quadrillage abstrait, tracé par des géomètres a priori, indifférent à toute topographie, à toute singularité locale, qui fait abstraction de l'histoire. Donc, la colonne, elle vient se mettre là comme pour imposer, disons, là où il n'y a virtuellement rien, mais ce rien est redoublé par l'abstraction du quadrillage, pour imposer le fait qu'on veut recommencer la civilisation européenne. Sur ce qu'ils appelaient, parce que c'est des puritains, sur une terre promise. Alors évidemment, c'est en atout en 1630, mais c'est toujours une évolution de cet esprit-là. évidemment, on va dire, bah ouais, mais il y avait du monde avant. Il y avait quelqu'un. Ouais, oui, c'est vrai, il y avait quelqu'un. Mais c'est comme ça, la civilisation. On n'est pas dans la... Comme on dit parfois ici, dans la bienveillance. Oh, je suis pas ici pour parler de bienveillance, à vrai dire. Mais on va voir après. Donc, maintenant, on va passer... Là, on est en... Ça, c'est 1890. Le beau bâtiment d'après l'autre, c'était 6 ans plus tard. Là, on va sauter à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, un siècle et demi... Un demi-siècle et deux guerres mondiales plus tard... Le modernisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, là, les grands immeubles en verre, parallépipédiques, d'aspect des grands prismes comme ça qui s'élèvent à New York et à Chicago, ils sont liés au mouvement moderne qui est d'origine européenne, mais il y a aussi, alors on peut montrer, voilà, celui-là, voilà. Si vous avez des questions après sur ces bâtiments, vous les poserez. Surtout chacune de ces images. Donc, mais dans ce bâtiment, il y a un caractère classique qui est redevable à la rigueur de la composition et à la pensée constructive que Sullivan et d'autres, enfin, j'ai parlé de Sullivan, mais il y en avait d'autres aussi, avaient imprimé au gratte-ciel dans la première école de Chicago. Et vous voyez que là, je saute l'Empire State Building, comme vous savez, qui est de 1930. Qui est d'un aspect tout à fait différent. On ne va pas dire qu'il est négligeable. Hein. Bon, maintenant, toujours dans cet après-Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, on pense élever plus haut les bâtiments, Ça, c'est un bâtiment qui, structurellement, est un bâtiment comme, comme celui de Sullivan avant. Hein. C'est une ossature acier. Hein. Mais pour monter plus haut, voilà, très bien, très bon parallèle. Enfin, disons, oui, c'est pas grave. Alors, vous vous fatiguez pas, baissez vos bras, parce qu'il y a encore des efforts après. Vous pouvez montrer celui-là, voilà. Voilà, ouais, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va penser la structure un peu différemment. Alors, toujours en acier. Hein, que les États-Unis, il faut rappeler, c'est le pays de l'acier. Hein. On oppose souvent en béton en France, acier aux États-Unis, à juste titre. Qu'est-ce qu'on fait pour s'élever plus? Eh bien, concevoir le bâtiment comme un tube. Qu'est-ce que ça veut dire, un tube? Ça veut dire que dans l'image précédente, on avait des poteaux qui étaient répartis également dans tout le rez-de-chaussée, dans tout le plan du bâtiment. Et là, voilà, dans celui-là, très bien, merci. Mais dans ce bâtiment, vous avez des planchers sur lesquels il y a une résille de poteaux. Ça va être différent avec le bâtiment à structure tubulaire, parce que ça va plus être un empilement les uns au-dessus des autres, avec ce qu'on appelle traditionnellement, quand on construit une maison ou un petit immeuble, une descente de charge. Pourquoi ? Parce que le bâtiment, il va travailler plus par rapport au vent, par rapport au ce qu'on va appeler de manière générale les efforts transversaux, horizontaux, que par rapport aux efforts verticaux. Par conséquent, il va être une structure unitaire. Ça ne va pas être un empilement, ça va être un bâtiment, ça va être un ensemble. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le chantier de ce bâtiment-là, dont je vais vous montrer après la photo terminée. Toujours pareil, il faut être patient. Hein. Moi, c'est quand ils sont en chantier que je préfère. Mais celui-là, il est quand c'est bien, quand c'est beau, c'est aussi beau quand c'est fini que quand c'est en chantier. C'est ça le grand critère pour critiquer l'architecture. Donc, vous voyez que ce bâtiment, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est le tube qui monte. Vous voyez, c'est petit à petit. C'est un bâtiment de 1967. Le bâtiment, il travaille en console, vous voyez. Et comme une poutre en porte-à-faux. Vous auriez une poutre fichée dans un mur qui est en porte-à-faux. Et c'est ça l'idée. Vous voyez. Il est évident que ce bâtiment-là, s'il était en console, il se casserait la gueule. Celui-là, il tiendrait peut-être. Vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est très intuitif. Hein. Moi, je suis architecte, je suis pas ingénieur. Je suis pas très bon pour calculer des poutres, mais il n'y a pas vraiment besoin de ça. Les architectes français sont pas ingénieurs. Certaines traditions de formation, on est architecte et ingénieur, mais pas en France. En France, on comprend les choses, on n'est pas... Mais il y en a, bien sûr. Mais j'en connais des très bien, d'ailleurs. Vous l'êtes peut-être, non? Ouais. Non, c'est très important l'approche intuitive. C'est-à-dire que pour partager le savoir. Et vous allez voir, ce partage du savoir, l'importance que j'y accorde. On va y venir petit à petit. Donc, maintenant, évidemment, il y a quelques variantes par rapport à cette conception du bâtiment, du gratte-ciel comme structure tubulaire. Il peut y avoir parfois un double tube. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un noyau au milieu, il y a un noyau où il y a par exemple les ascenseurs au milieu, ce qu'on appelle le noyau, vous voyez, hein, le noyau c'est parti autrefois, par exemple, je crois que les tours du front de Seine ont été construites comme ça, on construisait parfois le noyau d'abord et après le bâtiment autour. Là, par exemple, je crois que la tour Montparnasse était construite comme ça. Mais ça c'est du béton, alors c'est un peu différent comme structure. Mais de toute façon, intuitivement, c'est un peu la même chose, hein, l'acier et béton, c'est... Ça se ressemble beaucoup au niveau résistance structurelle. Donc parfois il y a des doubles tubes, il y en a un dans l'autre, et parfois il y a un tube au milieu, puis il y a ce qu'on appelle des outriggers, c'est-à-dire des espèces de bras, vous voyez, qui tiennent des haubans, ou alors comme les tangons sur les bateaux qui tiennent la voile ou qui tiennent les haubans. Mais quand on arrive donc à ce point où on a parlé d'encastrement au sol, du bâtiment, de la structure elle-même. Le bâtiment n'est plus qu'une structure. Il faut ajouter quand même à cette description générale que je vous fais la question des fondations. dès les origines. Parce que le début des gratte-ciels, c'était pas forcément des bâtiments très très hauts. Le premier que je vous ai montré tout à l'heure, il faisait, enfin le deuxième, celui de Sullivan, il faisait 7 ou 8 étages, 10 étages, je sais plus. L'important, c'est qu'ils aient, c'est leur structure, c'est, et puis leur architecture. Voilà, celui-là, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'ils avaient 8, je sais plus. Je sais plus où j'en étais. Oui, je disais que l'important, dès cette époque-là, c'était... D'ailleurs, pour des raisons locales, c'est que Chicago, c'est des marais, c'est, tout, c'est le même niveau que le Lake Michigan, c'est même un peu plus bas. Donc, comment on construisait sur un sol de pas très bonne qualité. Et cette grande tradition de la connaissance globale du bâtiment, c'est intéressant parce que c'est pas un pur problème technique. Ça explique l'unité du rapport entre le, disons, le bâtiment et la terre. Et donc, dans avec un bâtiment à structure tubulaire, qui est donc encastré dans le sol. Donc encastré, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. C'est pas seulement posé, c'est encastré. C'est-à-dire que ça fait corps avec le sol. Évidemment, on comprend. Alors on peut montrer, là, il y a une photo après. Après, on a déjà vu ça. Une nouvelle. Voilà. Voilà. Bon, le bâtiment à structure tubulaire, enfin, je vous le montre quand même. Hein, vous voyez. Vous voyez, c'est ce qui vient après la photo des fondations. C'est un bâtiment. Alors c'est un bâtiment qui s'évase vers, enfin qui s'évase vers le bas plutôt, qui est un petit peu pyramidal, et dont toute la il y a quelques poteaux au milieu. Mais toute la structure, on voit la force de cette structure et on voit son indépendance qui n'a plus rien à voir, vous voyez, avec chaque étage. Alors les étages les plus chics pour habiter, c'est là où il y a le c'est là où il y a le truc qui passe en biais devant, parce que c'est, on a une impression très particulière. C'est alors, qu'est-ce qu'il dit le conseil? Alors voilà, maintenant j'ai le concepteur de ce bâtiment, c'est un ingénieur qui s'appelait Fazlur Khan. C'était un ingénieur bengali qui travaillait pour une des plus grosses agences américaines. Et j'ai retenu une de ses citations qui est tout à fait intéressante pour mon propos. Il dit, je cite, « Lorsque je pense le projet, je me mets à la place du bâtiment. J'en ressens chaque partie. » Je me projette mentalement les contraintes de la torsion qu'il subit. Les contraintes et la torsion qu'il subit. Vous voyez, quand on sent son corps en entier. Si on pense qu'à sa jambe, on tombe. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il prend conscience dans... Bon, mais ça, c'est une problématique aussi moderne, du sensation corporelle, hein, comme repère de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas construire, parce que... Il fait des expériences limites. Mais il y a aussi le corps, c'est pas seulement un objet technique. C'est aussi un symbole. Et c'est aussi un symbole de l'échange, que j'appellerais interhumain, culturel ou naturel. Et par conséquent, La remarque de Fazlur Khan par rapport à sa façon de concevoir le bâtiment, il situe sa conscience, pas seulement de façon platonicienne purement abstraite, il la situe aussi, ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'il construit de toute façon des immeubles qui sont platoniciens dans leur forme, qui ont des formes géométriques, on va dire, pour employer un mot plus vulgaire, maîtrisé, tout simplement, qu'on peut construire des angles droits, avec une géométrie connue. Mais il y a aussi la dimension constructive et l'assemblage de ces deux choses-là, ça fait une valeur communicative, communicable, que j'appelle symbolique. Et d'ailleurs, encore 5 minutes ? Bon, d'accord. Alors maintenant, ma proposition. Oui, d'accord. Bon. Alors, bon. Ma proposition, c'est donc que, à partir des fonctions du bâtiment, on forme une esthétique, mais aussi une éthique. Dans un ce qu'on appelle un langage qui implique vérité et confiance. Là, je reprends. Quand je dis confiance, c'est-à-dire que le langage, ça veut dire. On n'interroge pas le langage pour savoir de quoi on parle. Vous voyez ? Maintenant, quel est le tournant aujourd'hui de cette question symbolique ? Il me faudrait 7 minutes. C'est bon ? 7 minutes, pas 5, mais 7. Bon, l'histoire de l'architecture, elle est jalonnée autant par les destructions que par des constructions. Par exemple, avant, on situe souvent de façon assez mythique, à vrai dire, mais c'est pas grave parce que le mythe, c'est du symbole aussi, c'est ce qui permet de communiquer. L'incendie de Chicago 1871, avant sa construction, avant les gratte-ciels. C'est un exemple. Il y en a beaucoup comme ça. Mais notre siècle, aujourd'hui, a été marqué par une destruction symbolique qui est celle des tours new-yorkaises du 11 septembre 2001. Alors, de façon cohérente avec la décision de pointer un complot terroriste, cette décision qui avait été prise à la tête du pouvoir politique mondial, il y a eu un enchaînement causal qui a été entériné des événements, de ce qu'on a appelé les événements du 11 septembre. On a dit que des avions kamikazes, puis un incendie, avaient causé des effondrements. Des organismes scientifiques ont tenté de confirmer ce scénario, mais sans être aucunement conclusifs dans leurs investigations. Bon, rappelons trois thèses. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé un peu de structure, donc on va rester sur la structure, cette fois-ci sur la structure de la démolition, on va dire. Bon, il y a trois thèses là-dessus. Il y a la première thèse, c'est les planchers en s'effondrant les uns sur les autres en pile d'assiettes. La deuxième, c'est qu'il y a la section supérieure qui aura écrasé la section inférieure. On peut montrer des... Ah si, il faut montrer les images du World Trade Center, là, parce qu'il y en a une quand même. Voilà, non, c'est celle-là. Voilà. Hein? Alors, deux tours dont vous avez tous vu les images s'effondrant, et celle-là aussi, qui est à peu près, pour vous situer, presque assez exactement la hauteur de la tour Montparnasse. Hein, celle-ci, là. Mais deux fois plus large, à peu près. Hein. Qui s'est effondrée sans qu'un avion la touche. Bon. Donc, en fait, la quasi-totalité des autorités... Oui, alors je finis sur les causes des effondrements. En pile d'assiettes, ça veut dire les. Hein, les vous voyez l'expression. Ou alors que la sœur aurait écrasé la section inférieure. Bon, ça a été écrit hein, par des scientifiques, ce qui s'appelait scientifiques, des ingénieurs. Ils avaient un titre comme ça. Ou alors, troisième thèse, c'est la démolition contrôlée. C'est une thèse qui exclut l'origine crash des avions. La causalité des crashs et des incendies qui s'en sont suivis. Mais la quasi-totalité des autorités politiques et scientifiques mondiales ont avalisé la théorie à la fois politique et technique de l'effondrement consécutif au crash. Elles ont considéré que cette théorie résultait d'une évidence, ne nécessitant pas d'enquête contradictoire. Et elles l'ont fait soit explicitement, soit le plus souvent tacitement, toute autorité discipline et institutionnelle confondue, du haut vers le bas de l'échelle du savoir. Et j'insiste sur cette notion-là, sur cette vision-là, de cette chose qu'on ne peut pas vraiment appeler savoir, mais qui est informationnelle, je ne sais pas comment on dit. Or, il y a deux réalités factuelles. La première, c'est que les bâtiments, vous voyez là, c'était deux tours de 415 et 417 mètres de haut, qui comprenaient chacune des centaines de milliers de tonnes d'acier structurel, je ne parle pas du béton, où il y en avait aussi, dans une structure tubulaire de type framed. Tout ça, c'est connu, c'est pour vous dire que c'est connu, c'est pas pour vous dire que je le sais, c'est pour vous dire que c'est connu. Avec un noyau et un hat truss. Alors le hat truss, ça veut dire que Vous avez rappelé tout à l'heure le noyau, le tube central et le tube. Ça veut dire que le hatchos, ça veut dire que dans cette hauteur-là, il y avait une structure qui solidarisait de façon rigide le tube extérieur et le tube intérieur. Pour que le bâtiment ne se balance pas. Pas parce qu'il ne tombe pas, mais pour qu'il se balance moins. Et l'architecte de ça, qui s'appelait Minoru Yamazaki, il était bien connu pour être très frileux. Il avait toujours peur que ça se casse la gueule. Alors il a surchargé, enfin il a augmenté au maximum. Là. Il est connu pour ça. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est un peu une légende peut-être, mais c'est amusant de le penser quand même. La seconde réalité, c'est que personne ne pourrait entreprendre de démentir, avec le moindre espoir de réussite, de façon rationnelle. Dans une démonstration rationnelle, si les Twin Towers et le petit là, le minuscule là, derrière, se sont bien écroulés à la chute du choc d'avion et des incendies, hein, s'ils se sont écroulés, et quand ils étaient réduits à l'état. Alors, on peut montrer la dernière image là. Là, c'est avant et après. C'est une maquette numérique du site. Avant et après. Donc, c'est que si elles sont bien écroulées, c'est qu'elles n'avaient pas de structure. Parce qu'elles n'en avaient pas. Elles sont écroulées comme des châteaux de cartes. Les châteaux de cartes, ça n'a pas de structure. Moi, j'aimais bien faire les châteaux de cartes. Je me suis rendu compte que c'était juste après le 11 septembre, j'étais obsédé par les châteaux de cartes. Ça tombait. Mais ça tombe, effectivement, un château de cartes, ça tombe à la vitesse à laquelle ça s'est effondré, c'est-à-dire à la chute. Ça tombe comme ça. Ça veut dire que si je fais tomber ça, c'est l'œuf qui revient en dessous. Donc le discours de toutes les institutions, je ne dis pas que le président Bush était méchant, qu'il a menti et tout. Pauvre, mais on ne peut pas lui en donner plus. C'est que il n'y a pas de structure dans les bâtiments. Donc, vous voyez, il y a une double. Parce que quand je dis qu'il y a tant de centaines de milliers de tonnes d'acier, c'est que je l'ai vu. Et tout le monde peut le voir, c'est, tout le monde le sait. Mais il y a un double langage. Donc, moi, mon problème, là, c'est qu'il y a deux réalités factuelles qui sont contradictoires entre elles, mais qui coexistent dans les esprits. Oui. Structure et non-structure. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ce que j'ai voulu montrer avant, c'est que le symbole de la civilisation, que ce soit une colonne, même dans l'Antiquité, on aurait pu parler de... J'ai parlé du gratte-ciel parce que ça m'intéresse, mais j'aurais pu parler d'autre chose. C'est que la symbolique, elle est basée sur une confiance, ce que Paul Ricoeur appelle une confiance dans le langage. J'ai déjà dit tout à l'heure, je crois. Donc, là, il y a une destruction du symbole. Et cette espèce de contradiction interne dans le discours de l'Institut du Savoir, on peut dire ça comme ça. Ça me rappelle l'inscription qui était mise à l'entrée des camps de la mort nazie. Il disait « Le travail rend libre ». Bon, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir mis ça, parce que non seulement ils avaient comme programme de détruire la symbolique des civilisations, mais ils se détruisaient... Enfin, ils montraient que c'était... Qu'ils détruisaient eux-mêmes, enfin même l'Allemagne se détruisait en écrivant ça. Bon. Donc, je ne suis pas conclusif. Ce que je voulais essayer d'articuler, c'était le problème de. Parce que cette symbolique, voilà, on ne construit pas démocratiquement un symbole. En revanche, la démocratie a besoin de symboles. Et. Moi, je suis seulement un modeste architecte. C'est des questions un peu philosophiques qui m'échappent. S'il y a des philosophes parmi vous, ou je pense que vous êtes tous philosophes, je serais bien content de vous entendre, parce que quand j'interroge quelqu'un qui est, c'est marqué philosophe, là, ou ingénieur, j'ai interrogé par exemple un astrophysicien. Non, il pense que les tours n'ont pas de structure. Et ils pensent en même temps que les tours avaient une structure. Donc, je voudrais savoir ce qu'on peut faire avec ça. Et vous allez, s'il vous plaît, me donner la réponse. Merci. Du coup, il nous reste un gros quart d'heure pour pouvoir débattre. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais bon, si personne n'a de remarques pour le moment, je peux vous laisser dire. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas de remarques, ça peut être. Moi, j'ai prévu au début que. Moi, je préfère avoir du. Enfin, je voudrais par exemple des remarques sur quelque chose qui serait faible dans ma présentation. À quel moment ça se casse, quoi. C'est comme les toits se sont cassés un moment. Et je voudrais savoir un peu. Parce que je dis pas ça, alors, même pas par modestie, c'est non seulement pas. C'est que là, il y a vraiment une cassure dans la manière de penser. Beaucoup de choses à travers ce problème-là. Donc, je pense que si vous me dites je n'ai pas compris ce que tu as dit là, ben, ça sera déjà l'occasion d'essayer de contribuer à reconstruire du symbole, de la vraie, de la vérité qui nous manque. Je ne crois pas, je n'ai jamais entendu. Alors, l'ingénieur du World Trade Center, Leslie Robertson. Moi, je ne sais pas tout, mais ça, je le sais. Ça a de la chance. Il est encore vivant. Et il a dit. Non, je me trompe, c'est pas Leslie Robertson, c'est un autre. Mais en tout cas, le World Trade Center, il a été calculé pour qu'un avion qui rentre dedans ne l'écroule pas. Premièrement. C'est une réponse. C'est pas la réponse, mais c'est une réponse. La deuxième réponse, c'est que. J'ai pas dit que. Ça pouvait pas endommager un bâtiment. J'ai pas dit ça. On pourrait rentrer dans le détail qu'un avion en aluminium dans une structure en acier, etc., etc. On pourrait, je pourrais vous faire. D'ailleurs, je pourrais pas parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous avez un on peut prendre un arbre. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est un ingénieur qui prend un arbre. Prenez un arbre. Vous le coupez en haut. Vous pensez qu'il va se retrouver en poussière par terre ? Bah non, le haut va tomber comme ça. Bah c'est exactement pareil. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que vous, comme moi, vous peut-être jusqu'à maintenant, moi jusqu'à il y a quelques années, j'ai cru ce qu'on m'a dit. Comment ? Non. La raison. Vous avez raison. Tu as raison de poser cette question-là, de dire ça. Mais, disons. En fait, non. C'est non. Il y a des tours qui ont brûlé à Madrid, par exemple. Parce que ça a été examiné tout ça. C'est examiné. Il y a des tours qui ont brûlé pendant 24 heures. Ils sont pas tombés. Ils ont même été réutilisés. C'est-à-dire qu'on a. C'est absolument. À supposer que le feu fasse défaillir. C'est pas du tout. C'est ça que j'appelle un faux savoir, un faux langage, une destruction du symbole. C'est que on en arrive à croire. Ça tient absolument du conte de fées. C'est absolument prodigieux. Moi, je vais vous dire, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit d'abord, j'ai défailli sur ma propre naïveté, mais après, je ne me suis pas arrêté là. Il faut faire un petit peu le tri, évidemment, parce qu'il y a des choses pas très bonnes, mais c'est assez facile de faire le tri et de trouver les démonstrations absolument extrêmement faciles à comprendre, qui relèvent des lois de Newton. La loi de Newton, c'est que si je lâche ça, ça tombe parce qu'il n'y a rien en dessous. Si les tours se sont écroulées, c'est parce qu'il n'y avait rien en dessous. Mais je peux pas. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, je ne sais pas. Vous pouvez penser comme vous voulez, mais je vous le dis, moi. Et je vous le dis parce que si vous tenez sur vos jambes, moi, ce que j'aime bien, c'est que l'ingénieur qui faisait ces choses immenses, là, il disait, moi, je sens dans mon corps, là. Vous voyez ? Je sens. Vous voyez, c'est... Et c'est cette... c'est pas une anecdote, c'est ça, la symbolique, vous voyez ? Donc, moi, je m'interroge sur la manière dont on peut... continuer à faire une architecture qui a une valeur symbolique, c'est-à-dire une valeur de civilisation, en somme. À partir du moment... Parce que le symbole, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on laisse. C'est quelque chose qui nous habite. Si vous avez plus de symbole, vous devenez fou. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la psychose. Les psychanalystes, les psychiatres, ils parlent de psychose. C'est-à-dire qu'ils disent il faut 3 générations pour faire un psychotique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mensonge qui... Parfois, c'est 2 générations. Et là, c'est moins d'une génération. Parce qu'on voit comment marche le monde maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une cassure du sens. Voilà. Maintenant, voilà, pour répondre précisément d'un point de vue purement technique, mais le problème, c'est pas. Le piège là-dedans, c'est que c'est pas compliqué techniquement. Le truc là, il volette un peu. Alors, si je lâche le micro, ce que je veux pas faire, c'est encore plus. Vous voyez. Il n'y avait pas d'objectif politique, on est quand même passé dans un autre monde. À partir des attentats de 2000, avant, on avait quand même encore cette dualité idéologique. Et là, maintenant, on est dans un monde assez uniforme, antiterroriste, etc. Enfin, il y a aussi des intérêts économiques à aller attaquer, je sais pas quoi. Moi, je sais pas, je suis ni homme politique... ni juge, ni policier. C'est-à-dire des gens qui doivent s'occuper de cette affaire-là. Je suis architecte, donc je m'intéresse. Et je ne suis pas ingénieur. Donc j'écoute ce que disent les ingénieurs, mais j'essaie de comprendre mon métier, d'une manière générale. Et ça, pour moi, cet exemple historique, c'est la chose. Moi, quand je m'adresse à des architectes et qui ne connaissent pas bien le truc, ils me disent « Oh putain, je ne savais pas qu'il y avait une troisième tour, donne-moi des documentations. » Je leur donne, et je lui dis « Ah, t'as vu, ça t'intéresse ?» Omerta totale. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a un tel ébranlement dans la... Moi, il y a même une psychanalyste qui m'a dit « Ton truc, maintenant, j'y crois, mais je peux pas regarder parce que j'ai trop peur. » Et elle me dit « Je le repousse. Je dis, j'ai toujours autre chose à faire que regarder ces trucs-là, mais en fait, je sais que c'est parce que c'est trop terrifiant. » Mais moi, au moins, elle est honnête, mais je trouve pas du tout ça satisfaisant. Je pense que c'est comme d'apprendre à lire et à écrire. C'est des choses fondamentales pour communiquer, à communiquer. Ça m'a échappé, excusez-moi, mais pour être humain, je pense. Il faut se documenter. Il faut pas dire ah ben oui, mais alors à ce moment-là, quel est l'objet politique, quel est le truc politique. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Il faut. C'est comme un gosse qui veut pas apprendre à écrire, à lire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très intéressant. Les enfants qui veulent pas apprendre. À quoi ça sert d'apprendre ? Ça sert à rien. Alors, quand il y a des bons pédagogues qui existent, bah, ça marche. On arrive à... Mais voilà, on est dans un stade infantile. De pas vouloir apprendre, de pas vouloir regarder les putains de vidéos sur YouTube qui font la démonstration par A plus B. Non, c'est, mais, et on tombe des nues, quoi. On tombe des nues, on se dit, mais... il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Oui, je suis d'accord. C'est pas très difficile, honnêtement, c'est pas très difficile. Bon. Il y a deux sites. Le site français, il y a Reopen 9-11, c'est un nom anglais, mais c'est le site français et le site américain. Bon, le site américain, c'est pas traduit. Il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont traduites du site américain sur YouTube. Mais le site français est très bien fait. Je parle pas forcément des forums de discussion, mais des documents. Les documents sont sont, je sais pas, enfin c'est, il y a, non, le problème il est, enfin, moi je me refuse absolument à répondre à la question à qui profite le crime. Ça c'est pas, bon, c'est... Je suis désolé. Pardon. Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je suis désolé. C'est le malheur des ingénieurs et des gens qui pratiquent la science dure, contrairement aux sciences molles, aux sciences sociales, ainsi de suite. Vous avez complètement amputé l'objet architectural, en fait. Vous l'avez ramené qu'à votre... Vous vous êtes cramponné derrière votre technique, or que vous parlez de symbolique. J'ai vous-même cité Ricoeur, ainsi de suite. C'est très intéressant. Maintenant, nous ici, on vous a bien écouté. Les tours sont par terre. D'accord ? Et sans tomber. Ça fait pchit, comme disait Jacques Chirac. Ça fait pchit. Donc c'est par terre. Vous pensez pas que justement que ces tours s'attaquaient à une ingénierie, à quelque chose de haut, de très haut, de solide, et que le radicalisme international s'est attaqué à ça, ça attaque aussi à quelque chose de civilisationnel, vous l'avez dit. Donc en fait, moi ce que je vous propose, je pense aux recherches futures, c'est de voir cette architecture comme un phénomène social total et technique total. Donc il faut pas faire trop de frontières comme ça entre la science et entre les sciences dures et les sciences molles. Je pense que c'est ça le point en fait à creuser en fait. On les a fait tomber, on a fait tomber un symbole, on a fait tomber une puissance, on a fait tomber une hauteur, une ingénierie, une technique, et ainsi de suite derrière. Donc il y a ce débat de civilisation à l'intérieur. Oui, effectivement. Alors, moi, je ne mets pas les sciences molles d'un côté et les sciences dures de l'autre. Au contraire, moi, ce que je considère, c'est que ce que j'appelle les institutions, hein, et Ricoeur aussi parle des institutions, il parle d'institutions du langage. C'est vraiment assez intéressant, c'est englobant. Hein, Or, cette institution du langage, elle est brisée en tant qu'institution. Parce que là, nous, on n'est pas des gens de pouvoir ici. Oui. Est-ce qu'il y a un professeur ici qui va dire, bah oui, maintenant mes élèves, je vais leur dire ce qui s'est passé dans septembre au niveau structurel? Non, il n'y en a pas. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je pense que c'est possible du point de vue. Je pense que quand on dit, ah ouais, les groupes médiatiques sont la possession du capital. C'est pipo, c'est archi faux. Le monde diplomatique, il est connu pour son anti-américanisme. Foutre les pieds dans le plat, j'avoue qu'il faut. Ah bah vous allez voir au monde diplo comment ils traitent ceux qui cherchent la vérité selon septembre. C'est extraordinaire. Regardez le dossier du mois de juin de l'année dernière qui s'appelait « Vous avez dit complot », qui parle des complots, et comment il met exprès les gens qui sont des gens extrêmement rationalistes, etc., dans le même sac que ceux qui voient des soucoupes volantes partout. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a une théorie du complot. Vous savez ce que c'est, la théorie du complot? Tout le monde le sait ici. Voilà, c'est la théorie que c'est des musulmans qui ont. Voilà. Et ça marche extraordinairement. Ça marche auprès des musulmans même. Certains, rares. Enfin, ils suffisent pour foutre la merde quand même. Ouais. Et ils sont exactement. Donc. Non, moi je pense que. Moi, mon problème, c'est. Mon problème, c'est pour ça que j'ai vraiment rien à, aucune information à donner, si ce n'est, bon, essayer de parler de ma préoccupation du symbole, mais c'est, ce que j'aurais aimé, comment un institutionnel voit la chose, un institutionnel responsable. Mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Pourquoi au fait, il y a toute une histoire des discours de rupture. Au fait, il y a un discours de rupture dans le monde d'aujourd'hui, du monde musulman face au monde occidental, ainsi de suite. Pourquoi vous ne ramenez pas le fait qu'on s'est attaqué à cette hauteur? Ça s'inscrit dans un discours de rupture. Rupture par rapport à vous, par rapport au mal, par rapport au bien, ainsi de suite. Hein. C'est ça, au fait, ce qui me gêne. Mais c'est très juste ce que vous dites. Hein. Ce qui me gêne, c'est que vous restez trop scientifique. Voilà, pour moi. Je pense aussi qu'on peut expliquer ce dénigrement de ce genre de thèse par des effets sociologiques simples. Il suffit qu'il soit dénigré par quelqu'un qui a de l'autorité reconnue, légitimité, etc., pour que ensuite ça se transmette le long des chaînes sociologiques. Pour que, et ensuite, c'est un discours qui ne peut plus passer, qui est même identifié et posé comme identifiable, comme quelque chose qui ne peut plus passer. Donc, Excuse-moi, mais je vais encore une fois pas être d'accord, mais c'est très intéressant que tu dises ça. Pourquoi ? Parce que dans les gens qui, comme moi, ont dit « Oh, bah, ce qu'ils avaient fait, on va montrer, d'abord on va dire ce qui s'est vraiment passé, on va dire ce qui n'est pas vrai, et puis on va en parler autour de soi. » Bon, alors, attends, on en parle autour de soi. Non ? Non, ouais, non, attends. Attends, je finis. D'exposer mon problème perso. Excusez-moi, on est comme ça, c'est vachement bien, on a un privilège formidable. Mon problème perso, c'est que je parle aux gens qui n'ont pas d'autorité. Oh, c'est bon, j'en ai pour 30 secondes. Mais après, il y aura peut-être d'autres questions. C'est que le problème, il n'est pas dans la dissémination, comme tu dis, d'une parole fausse, parce que dans le monde entier, tu as une large majorité des gens. Bon, évidemment, j'extrapole un petit peu, mais il y a des sondages qui ont été faits. Mais il y a une majorité de la population mondiale qui ne croit pas à la thèse du président Bush. Enfin, disons, inaugurée par le président Bush. Alors attention, c'est pas seulement que la thèse du président Bush, c'est la thèse de ce que j'appelle l'institution. Encore une fois, le président Bush, faut pas trop lui en donner. C'est un pion, c'est extraordinairement un pion. Non, c'est l'institution. C'est l'instituteur, c'est le professeur d'université, voilà. Et donc, parce que, en revanche, le savoir, il monte pas. Le savoir, il descend. Toujours. Moi, je suis un démocrate, mais le savoir descend. Il descend symboliquement. Il descend pas. Voilà. Mais si, s'il marche, c'est symboliquement. Eh oui. Je prenais les bras. On va garder une toute dernière question et après on va devoir arrêter pour passer à l'intervention suivante qui commence à 17h. Donc, hein. Alors, bonjour. Je vous entends parler depuis donc 20 minutes et je trouve quand même que c'est assez violent ce que vous dites. Et j'aimerais vous poser une question et savoir si... parce que vous expliquez que les tours donc peuvent pas s'effondrer comme si il y avait rien en dessous, mais est-ce que il n'y a pas des phénomènes physiques qu'on n'a pas pris en compte dans l'explication de ces... Parce que vous portez quand même votre jugement sur des raisonnements où vous maîtrisez complètement la physique, complètement comme si on savait tout ce qui pouvait arriver sur des tours où un avion se passe, chose quand même qui arrive assez rarement. Donc je crois que sur les bases de votre raisonnement, quand même, vous partez sur des hypothèses qui vous semble juste et vérifié, alors que c'est des phénomènes qui arrivent jamais. Je veux dire, un avion dans une tour, bon, bref. Donc, je pense quand même qu'il faut être assez prudent sur ce que vous dites, parce que vous êtes écouté par des gens. Et donc, avant de dire que vous savez la vérité sur des faits, ou sur des, je pense qu'il faut aussi se mettre en question assez longuement, parce que c'est un sujet assez grave, voilà. Alors, ma question porterait plus sur ce que vous savez ou plus sur ce quoi vous doutez sur ces événements et vous pensez même incontestable. Voilà, merci. Bon, je vais essayer d'être extrêmement bref. Et je vais redire. Il faut, et je pense que ça c'est un devoir, je m'excuse de rentrer là-dedans, il faut s'éduquer. Et c'est ce que fait l'association américaine qui s'appelle AE for Truth 9-11, architecte et ingénieur pour la vérité sur le 11 septembre. Ils éduquent les gens, ils montrent des vidéos, ils éduquent. Mais en fait, tout le travail, enfin disons, eux ils travaillent énormément Mais après, les élèves, c'est-à-dire les gens qui regardent, c'est pas un spectacle. Il faut regarder. Il faut regarder la vérité. Il faut regarder les témoignages. Il faut regarder les témoignages des pompiers, des policiers qui ont été là, qui ont raconté. Je vous raconte pas du flan. Tu as tout à fait le droit de remettre en cause. Mais justement, c'est l'occasion pour moi de dire, il faut s'éduquer, comme dit Richard Gage, le président de cette association américaine, sur des points purement factuels. Il faut regarder ce qu'ont dit les pompiers. Woody Dent, moi je peux laisser, si vous voulez, je peux faire une liste de choses intéressantes à voir. Mais sincèrement, c'est pas très difficile, on a vite fait de faire le tour des interviews des policiers, des pompiers qui étaient là. Et qui savaient ce que c'était qu'évacuer un bâtiment, et qui savaient ce que c'était qu'évacuer un bâtiment. Et il faut quand même, moi je suis là pour dire. Moi, je dis une chose, c'est que c'est extrêmement simple. Les lois de Newton sont claires. Les lois de Newton, c'est des choses qu'on sent. Même si on ne s'en rappelle plus de la formule, on sait qu'on est debout, là. Et ça agit sur notre... Et ça agit sur... Moi, mon propos, c'est que ça agit sur notre esprit. Si ça n'agit plus sur notre esprit, ben, je pense qu'on devient fou, quoi. Et pour moi, les responsables sont institutionnels, mais c'est facile à dire, c'est ce qu'on dit tout le temps. Le problème, c'est que c'est pas démocratique, l'invention d'un, la construction d'une symbolique. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est comme ça. Les révolutions, c'est fait par les canuts lyonnais, par exemple, les canuts lyonnais qui sont bien connus, c'était pas les plus pauvres des ouvriers. C'était des ouvriers qui avaient un certain rang, qui avaient une certaine place dans la hiérarchie sociale, par exemple. Et ces exemples sont légion. Voilà. Mais bon, on peut les prendre dans d'autres champs. Alors. Alors, je suis désolée, il reste vraiment 2 minutes pour une toute dernière question en 2 minutes. Après, le débat peut tout à fait poursuivre. Est-ce que le prochain intervenant est déjà présent, Patrick, c'est ça? Très bien. Alors, ça sera juste une petite question. Et en fait, elle est directe. Est-ce que le scientifique que vous êtes ne peut pas nous dire, par exemple, qu'on aurait pu aider les deux tours à tomber, c'est-à-dire en y posant des explosifs au niveau des piliers. Ça pourrait expliquer la chute en quatre des deux tours. Pourquoi la communauté scientifique ne voudrait pas sortir l'hypothèse qu'on aurait pu aider les avions à faire chuter les deux tours en posant des explosifs, comme pour le principe de faire chuter les bâtiments qu'on fait chuter ici en France, par exemple. On y met des explosifs au niveau de chaque pilier et la tour s'écroule en château de cartes. Alors pourquoi la communauté scientifique n'a pas voulu appuyer cette thèse qui me paraît plus plausible? J'ai aucune responsabilité scientifique institutionnelle, donc je ne peux pas répondre à la question pourquoi, mais tu as résumé, tu as dit mieux que moi ce que la question du 11 septembre. La question technique du 11 septembre. Par contre, l'histoire des... C'est parfaitement documenté, si ça t'intéresse, c'est parfaitement documenté. Il faut regarder, je cite un auteur, Kevin Ryan, Farrer, Stephen Jones, des noms comme ça, et bon, c'est tout à fait documenté, mais moi, mon propos, il n'était pas là. Hein. Mon propos, il est comment on passe d'une symbolique à une non-symbolique. Une symbolique qui dure depuis l'existence du début de l'humanité, et maintenant, où on n'a jamais vu une destruction du symbole. Jamais. C'est pas un tyran, c'est l'institution du savoir mondial. Documentaire. commentaire sur les deux tours, la destruction contrôlée, tac, tac, tac, tac, tac. J'ai vu deux jeunes Américains qui ont justement fait ça. J'ai vu aussi, il y a des plus grands démolitionneurs au monde, enfin ceux qui font de la démolition, ils ont dit que les deux tours ne peuvent pas. Mais j'ai du mal à croire parce que les États-Unis sont en train de se déconnecter du Moyen-Orient pour se concentrer justement, je disais, contre se préparer pour une éventuelle guerre contre la Chine. Ils sont en train de s'intéresser qu'à l'océan Pacifique. Ils sont en train de retirer toutes leurs bases du Moyen-Orient. C'est bizarre qu'ils fassent ça, qu'ils dépensent plusieurs milliards et puis l'acharnement qu'ils ont fait. Je pense que moi, je pense plutôt qu'on a vraiment touché le grand patron. C'est-à-dire, c'est comme si on allait voir un caïd de banlieue, que je le chatouille et qu'il va me massacrer pour montrer qui c'est le vrai patron, quoi. Moi, je crois que c'est vraiment un attentat. Moi, j'y crois après.